piste. Faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, qu'on peut s'en tirer, sans tirer sur personne et tout brille sous le sun. On leur dira, jamais on l'oubliera, deux avions dans deux tours, grosse courbe dans l'oreille d'un sourd. On leur dira qu'on avait des idoles, même boulot, même métier, un beat et mille paroles. Faut que ça colle et sans pitié, on leur dira, si vous les héritiers de ce qu'on construit aujourd'hui. À chaque jour de plus haut de soleil, le hip hop fait que je me réveille, sans cadran, sur ta bande, lève-toi tôt, c'est là que t'apprends, c'est ça de la passion. Puis on leur dira, shit dans le sac, un flic qui court, c'est ça de la pression. On leur dira comment plus vite on court. On commence au bas de l'échelle pour sa vie, son cœur à elle. Combien de vies finies dans une querelle, mais la vie est belle. On leur dira que c'est pas si mal, même si le mal m'appelle. Pendant que ma mère est sur l'autre ligne, un chum est tué, la mort fait un signe. Ouais. Lâcher mes rêves, c'est là que je me résigne. Moi, plus le mec, sont les choses dont je suis digne et dont je suis dingue. Mes propres paroles, mon slang, le stylo saigne. À blanc sur la feuille, mes mots et mes recueils. J'espère qu'on leur dira quand ma vie se finira ailleurs. J'espère que vous leur direz, on leur dira peace. Faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, qu'on peut s'en tirer, sans tirer sur personne et que tout brille sous le sun. Les news, je les regarde plus, puis chante mon refrain. Vas-y, ouais. Gros, si je t'étoie, je le ferai. Ça pue d'allure, le monde a plus de frein. On regarde pourquoi ils se battent, mais sont-ils caves un peu. Moi, je veux que ça se calme un peu. Non, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour ton dieu? Tant de violence pour ton dieu. Ouais. Les pays en dur payent le FMI dur et mis de côté. La paix est mis de côté. Un jour, on va falloir payer pour le bordel foutu. Faut-tu payer de suite? J'ai pas trop de cash, y'a trop de guerre, trop de clash. Les jeunes avancent en pensant que rien ne marche. Garde la tête haute, est une phrase qui tient toujours en autant qu'on le sache. Et qu'on se tienne toujours, on leur dira peace. Faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace. Faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, on veut s'en tirer, sans tirer sur personne et tout brille sous le sun. Peace.